Une vengeance anglaise. 1. Il y a à Londres un quartier dont la physionomie n'a été qu'esquissée jusqu'ici, et qui méritait cependant une mention spéciale dans les récits des romanciers modernes de la Grande-Bretagne. Nous voulons parler du quartier sur lequel se trouve située la prison de la flotte, dont les limites ont conservé, comme on le sait peut-être, les privilèges et les franchises des anciens asiles. En donnant au prévôt de la flotte des garanties pour le montant de la somme due à son incarcérateur, chaque prisonnier peut obtenir l'autorisation de résider aux environs de la prison et jouir ainsi de la liberté relative. Il résulte de cette tolérance que ce quartier est presque entièrement habité par une agglomération interlope de banqueurs routiers maladroits et de débiteurs insolvables, auxquels se mêle une population flottante d'ivrognes fainéants et de filous actifs, de telle sorte que, passé une certaine heure de la nuit, il est bien rare d'y rencontrer une figure honnête. Cependant, le 25 novembre de l'année 1838, vers 10 heures du soir, un homme, qui n'était ni banquier routier, ni débiteur insolvable, ni ivrogne, ni filou, parcourait à pas rapides et pressés l'une des rues étroites qui longent les prisons de la flotte. Cet homme pouvait avoir une cinquantaine d'années. Il était petit, gros, replet, et sa physionomie, animée par des yeux vifs et doux, annonçait une nature placide que les soucis de la vie n'avaient jamais dû beaucoup inquiéter. Il allait et venait le long des murs, s'arrêtant parfois pour plonger son regard dans la salle enfumée de quelque cabaret borgne, et reprenant bientôt sa course, jusqu'à ce qu'un nouveau sujet d'observation vint la suspendre de nouveau. M. Gus Brute était certainement le personnage le plus original des trois royaumes. À toute heure du jour ou de la nuit, on le rencontrait dans les endroits les plus différents de la capitale. Il était presque aussi connu des pickpockets qui grouillent dans la cité que des gentlemen qui font la roue à Bond Street. M. Gus Brute appartenait d'ailleurs à l'une des familles les plus honorables de Londres. Son oncle maternel avait été Lord Maire, et son grand-père avait siégé avec honneur sur le banc de la Chambre des communes. Sa fortune était, disait-on, colossale, mais il n'avait jamais voulu se marier, dans la crainte de rencontrer une femme dont le caractère ne sympathisa point avec le sien, ou dont l'esprit étroit eût pu gêner la passion secrète qui faisait depuis si longtemps le but unique de toute sa vie. Cette passion, le lecteur la connaîtra bientôt. En parler plus longuement ici serait retarder sans utilité ce récit. On nous permettra donc de continuer notre course à travers les rues sales et sombres qui entourent la prison de la flotte, et d'y suivre l'honorable personnage que nous mettons en scène. M. Gus Brute avançait avec une certaine difficulté. Une petite pluie fine s'était mise à tomber. Le pavé était gras et glissant. Il hâtait le pas cependant, et regardait de tous côtés, à droite et à gauche, pour s'assurer qu'il ne se trouvait pas à portée d'un cab disponible. Mais à cette heure et dans ces parages, un cab ne se trouve pas facilement, et M. Gus Brute poursuivait sa route en soufflant tant bien que mal, et en laissant échapper de temps à autre un juron énergique. Tout à coup, il s'arrêta et poussa une exclamation de douleur. Il venait de tourner une des plus mauvaises rues du quartier quand un homme, vêtu comme un artisan, le heurta violemment au passage. « Voilà sur ma parole une singulière manière de saluer les gens !» s'écria M. Brute avec humeur. « Savez-vous, l'ami, que vous avez manqué m'écraser les pieds ?»« Votre honneur m'excuse, » répondit l'inconnu, « mais la nuit est si noire que je ne l'avais pas vu. » Et il allait s'éloigner quand M. Brute lui mit la main sur l'épaule. « Le ciel me confond si je me trompe, » ajouta-t-il avec un air de profond étonnement. « Mais où je ne m'appelle pas Gus Brute de Piccadilly, où vous êtes M. Samuel Hampden de la maison Bonington et compagnie. » L'homme que l'on interpellait ainsi parut vivement contrarié d'être reconnu, mais comme sans doute il comprit l'impossibilité de nier l'évidence, il porta la main à sa casquette de toile cirée et ne chercha pas davantage à se cacher. « Monsieur Samuel Hampden, » reprit M. Brute. « Moi-même, monsieur, » répondit son interlocuteur. « Et comment vous trouvez-je ici, à cette heure, quand tout Londres vous croit dans Lombard Street ?» Samuel sourit. « Mais vous-même, » répliqua-t-il d'un ton embarrassé, « et pour donner le change, « Comment se fait-il que vous soyez si loin de Piccadilly, surtout par un temps pareil ?» Monsieur Brute haussa les épaules, sans prendre garde à l'embarras de Samuel. « Oh, moi, c'est différent, » dit-il avec vivacité. « Pour le moment, je sors de la prison de la flotte. »« Est-ce possible ?»« Je n'en impose pas d'une syllabe, mon cher monsieur Samuel. La prison de la flotte est un lieu curieux à observer. Et comme le prévôt est de mes amis, j'y vais de temps en temps pour y prendre des renseignements statistiques, qui sont d'un haut intérêt et que nos hommes d'État ignorent pour la plupart. Je fréquente ainsi tous les quartiers qui peuvent offrir quelques sujets d'observation. » Et j'ai dans Piccadilly bien des documents que l'on paierait fort cher à la Chambre des communes ou chez le Lord Maire. Quels documents ? Fit Samuel. Tout en causant, il s'était remis en marche. Voyez-vous, cher monsieur Sam, poursuivit bientôt après monsieur Brute, la ville de Londres est la première cité du monde, et quand vous vous levez le matin, vous êtes loin de vous douter des dangers que vous avez courus pendant la nuit. Moi ? Vous et les autres, comment cela ? Oh, oh, cela vous étonne, n'est-il pas vrai ? Mais vous ignorez, vous et les autres, qu'il y a à Londres 118 951 vauriens, dont l'existence est un problème, et qui ne peuvent vivre qu'à vos dépens et aux miens, que l'on y compte pas moins de 115 430 pickpockets, 2 295 vagabonds, et 75 710 filles perdues. Sans doute, fit Samuel, mais tout cela est connu de la police, et elle a l'œil sur eux. Et qui dit le contraire, cher monsieur Hampden? La police est une admirable institution, et la capitale des trois royaumes n'a pas sa pareille en Europe. Mais il n'en est pas moins constant que l'on arrête toutes les nuits, dans les 26 quartiers de Londres, un nombre de citoyens qui varie de 150 à 170, que l'on en égorge de 5 à 10, et que l'on enlève de 15 à 18 de jeunes filles. Tout cela, croyez-le bien, sans que les 26 aldermen y puissent rien, non plus que vous et moi. Une fois que M. Brute avait enfourché son âne, comme dit Sterne, il n'était pas facile de l'arrêter. Samuel Hampden connaissait sa manie. Il se contenta donc de l'écouter et se borna par pure obligeance à lui donner la réplique. « Tenez, poursuivit l'honorable membre de la Société de Statistique, la plaie de notre état social n'est pas dans le manque d'institutions. Dieu pardonne, le Parlement ne nous les marchande pas, et les savants sont là d'ailleurs, pour y pourvoir aux besoins. Il y a à Londres, monsieur Sam, 18 écoles où l'on enseigne le droit, sans compter les 5 écoles de théologie, et les 40 académies où l'on s'occupe toute l'année des moyens pratiques d'améliorer le sort de l'humanité. Mais qu'est-ce que cela prouve, je vous prie ? Rien, monsieur Hampden, absolument rien. Je le crois comme vous. Cela n'empêche pas que les 14 prisons de Londres ne regorgent de malfaiteurs, et qu'il y ait en outre chaque jour 20 295 individus qui se lèvent sans savoir comment ils se procurent leur nourriture, ni où ils trouveront un gîte. J'ignorais cela. Et comment le sauriez-vous, cher monsieur Sam? Il faut aller et venir comme je le fais, regarder et observer à toute heure de la vie, pour connaître à fond toutes les couches de cette société, au milieu de laquelle nous nous croyons bien en sûreté, et dont la plupart des membres n'ont pas même la moralité douteuse des sauvages de l'Amérique. Oh, oh, interrompit Samuel avec complaisance, il me semble, monsieur Brute, que cette assertion... Elle n'est qu'exacte, poursuivit le statisticien, car il faut bien le reconnaître, l'immoralité a monté peu à peu des dernières classes de la société, et la voilà qui, depuis quelques années, atteint et corrompt les sphères élevées. Tous les ans, il y a dans Londres, la première cité du monde, savez-vous, 10 banquiers qui trompent et ruinent leurs actionnaires, 25 caissiers qui disparaissent avec les guinées de leurs patrons, 50 officiers publics qui malversent, 200 qui prévariquent, et les sociétés en commandite qui ne sont fondées qu'en vue de faire des dupes, et les entreprises qui n'ont d'autre mobile que le jeu. Nous vivons, cher monsieur Sam, dans un temps où l'ardeur de s'enrichir cause bien des désastres. Dès qu'on offre au public l'appât d'un gros intérêt, on fait tourner toutes les têtes. Et considérez que souvent le plus fripon n'est pas celui qu'on pense. Ce sont quelquefois les actionnaires eux-mêmes, dont la cupidité autorise et légitime presque toute cette turpitude. Aussi longtemps qu'on distribue des dividendes, qui s'inquiète du reste, qui fait la moindre question sur la marche d'une affaire ou sur la moralité de ceux qui l'amènent, les actionnaires sont les complices des entrepreneurs, et ces derniers détrousseraient les voyageurs sur les grandes routes, pour leur payer des dividendes que Dieu pardonne il les empocherait, sinon sans inquiétude, du moins sans remords. Étudiez, monsieur Sam, étudiez, et vous verrez si monsieur Blue de Picardie ne sait pas la vérité sur bien des choses, et s'il n'y a pas là de grandes réformes à tenter. Sans doute monsieur Gus Blue de Picardie aurait continué longtemps sur le même ton si un incident inattendu n'était venu lui couper la parole. Mais au moment où il finissait, un grand cri s'éleva à quelque distance, et le bruit d'une rixe sanglante arriva jusqu'à eux. Samuel s'était arrêté subitement. « Avez-vous entendu ? » dit-il à voix rapide à M. Brute. « Parfaitement, » répondit ce dernier. « On égorge quelqu'un à 50 pas. »« C'est vraisemblable. N'irons-nous pas à son secours ?» M. Brute remua la tête en signe de refus. « Pour moi, » répondit-il, « je ne pense pas que cela soit prudent. » « Mais les cris redoublent, » insista Samuel. « J'entends bien. » « Ah, il ne sera pas dit que j'aurais hésité plus longtemps. »« Allez, mon jeune ami, allez, et le ciel fasse que vous ne vous repentiez pas d'avoir cédé si facilement à l'impulsion de votre cœur. » Samuel était déjà loin. Il était parti sans écouter M. Brute, et ce dernier avait repris tranquillement son chemin. « Quelques matelots ivres de gin, » poursuivit-il en pressant le pas, « ou quelques débiteurs qui aura été surpris par son créancier. » car c'est là tout ce que l'on peut rencontrer à cette heure dans ce quartier désert. » Et il s'arrêta, comme frappé d'une idée subite. « Au fait, s'écria-t-il presque effrayé de l'audace de sa propre pensée, que venait donc faire ici M. Samuel Hampden lui-même ? Ce n'est point un fait ordinaire et naturel que la présence à cette heure de nuit du caissier de la maison Bunnington et compagnie, dans les environs de la prison de la flotte. D'autant qu'il portait un costume autre que le sien, et qu'il apparut fort contrarié d'être reconnu. Certes, il y a là un mystère qui demande à être éclairci, et demain M. Bunnington en sera instruit, comme il convient qu'il le soit. » Pendant que M. Gus Brute se livrait à ses réflexions, Samuel Hampden s'était éloigné rapidement, et guidé par les cris de la victime, il atteignit en quelques secondes le théâtre du crime. Samuel était un véritable Anglais. On l'avait familiarisé de bonne heure avec tous les exercices du corps. Il connaissait l'art du pugilat comme le meilleur boxeur de la cité. Sans être beau, il possédait cependant une certaine élégance de forme, qui n'était pas sans charme. Il se montrait d'ailleurs généralement taciturne, et bien que M. Bunnington, son patron, l'eût pris en grande affection et lui témoigna à tout propos une franche amitié, Samuel s'était toujours tenu vis-à-vis de lui dans une réserve qui pouvait être taxée de froideur. Quand il se présenta sur le lieu d'où partaient les cris qui l'avaient attiré, la lutte venait de se terminer. Un grand diable de domestique était étendu à terre, étourdi ou tué, et deux hommes d'allure plus que suspecte s'apprêtaient à entraîner une jeune fille qui se débattait vainement entre leurs bras. Samuel, n'écoutant que son courage, s'élança vers l'un des deux hommes, sur le crâne duquel il asséna d'une main ferme le plus violent coup de poing que l'art de la boxe ait jamais enseigné. L'effet fut instantané. L'homme poussa un grognement plaintif et alla rouler sans connaissance auprès du domestique. Mais le plus difficile restait à faire. Le second bandit était un gaillard de près de 6 pieds, qui ne devait pas lâcher facilement sa victime. Le sort de son compagnon lui avait d'ailleurs communiqué une colère redoutable, et après avoir d'un geste rapide et prompt déposé à ses côtés la jeune miss, qui venait de s'évanouir, il se précipita sur Samuel, le regard fulgurant et les poings fermés. Le lieu était admirablement choisi pour une pareille scène, une rue étroite et sale, éclairée par des réverbères fumeux, une petite pluie fine qui rendait le pavé glissant, un ciel sombre et tout autour des masures en mauvais état, à l'intérieur desquelles on n'entendait rien remuer, un véritable coupe-gorge. Le premier coup porté fut terrible. Samuel se tenait pourtant sur la défensive, mais c'est à peine si, à travers la nuit, il aperçut son adversaire, et celui-ci lui envoya un coup de poing qui l'eut infailliblement assommé. Si trompé lui-même par l'obscurité, il n'avait dévié de quelques lignes. Le coup glissa donc sur la tempe de Samuel et alla tomber lourdement sur son épaule. Samuel ne proféra pas la moindre plainte. Il ne recula même pas d'une semelle. Seulement, comme son adversaire se trouvait à sa portée, il ne crut pas devoir lui laisser le temps de se rejeter en arrière, et prompt à la riposte, animé de plus par l'irritation même de la lutte il lui appliqua vigoureusement un de ses poings sous la mâchoire et l'autre dans l'épigastre. Le coup est traître, mais il est infaillible. Le second bandit poussa un cri de douleur, s'affaissa sur lui-même et prit place à côté de son compagnon. Samuel était maître du champ de bataille, et sans attendre de nouvelles complications, il courut à la jeune fille, dont l'évanouissement venait de cesser, et qui revenait insensiblement à la vie. « Vos ravisseurs sont pour le moment dans l'impossibilité de vous faire aucun mal, lui dit-il aussitôt à voix rapide. « Mais l'endroit où nous voici est dangereux, et il faut en sortir au plus tôt. Essayez donc, Miss, de prendre mon bras, et avant quelques minutes, nous aurons trouvé un cab qui vous ramènera chez vous. » La jeune fille était enveloppée d'un long châle. Ses traits étaient entièrement cachés par un voile épais. Dès les premières paroles prononcées par Samuel, elle releva vivement la tête et fixa sur lui ses deux regards curieux et étonnés. « Qui me parle ? » dit-elle alors, avec un reste d'émotion, et comme si elle doutait encore de la réalité. « Un ami, Miss, répondit Samuel, un homme qui a eu le bonheur de vous sauver, et dont vous n'avez rien à craindre. « Mais qui êtes-vous donc ? Qu'importe, votre voix ne m'est pas inconnue. « C'est possible. Vous êtes Monsieur Samuel Hampden. « Que dites-vous ? » Samuel se redressa interdit et chercha à percer le voile qui couvrait le visage de la jeune fille. Mais cette dernière craignit sans doute le résultat de cet examen, car elle se leva presque aussitôt, et prenant le bras du jeune homme, elle l'entraîna loin de cette rue dans les directions de Bernard Street. 10 minutes après, il trouvait un fiacre, et la jeune Miss, toujours voilée, se hâtait d'y prendre place. Toutefois, avant de monter, elle se retourna vers Samuel et lui tendit la main. « Monsieur Hampden, lui dit-elle d'une voix douce et tendre, vous m'avez sauvé la vie ce soir, et croyez-le bien, je n'oublierai jamais ce service. À bientôt donc, et avant peu, je vous prouverai que je ne suis pas ingrate. » En disant ces mots, elle monta lestement dans le fiacre, et le cocher, ayant fouetté son cheval, il partit au galop, laissant Samuel vivement intrigué et cherchant vainement dans ses souvenirs quelle pouvait être cette jeune fille qui le connaissait si bien. Tout en rêvant, il reprit à pas lents son chemin vers Lombard Street. La distance est longue, et il s'arrêta plus d'une fois sur sa route. Quand il arriva au siège de la maison Bonington et compagnie, il était près de minuit. Il se hâta de gagner la chambre qu'il y occupait. Cependant, au moment de rentrer chez lui, il s'aperçut pour la première fois qu'il régnait un mouvement inusité parmi les domestiques et en demanda la cause. « Oh, ce ne sera rien, monsieur Hampden, » répondit un valet qui passait. « C'est John, le domestique de monsieur Bonington, qui a été rapporté tout à l'heure dans un assez triste état. Il prétend qu'il a été attaqué par 2 bandits, mais sa blessure est peu grave, et dans 2 jours il n'y paraîtra plus. » Et le valet s'éloigna. Samuel n'en demanda pas davantage, mais un frisson courut sous ses cheveux. Monsieur Bonington avait 2 filles. Laquelle des 2 avait-il donc rencontrée près de la prison de la flotte ?